Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizée Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. Fun. À la radio. Nous allons maintenant pouvoir jouer. Enfin, jouer. En gros, on va faire. La déclaration express. Voilà, déclaration express. Maintenant, c'est avec Cédric, 24 ans de Bruxelles. Salut, Céd. Salut à tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ah, très bien, merci. Bah écoute, tant mieux. Cédric, 24 ans de Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun Radio à Bruxelles. Et tu nous as appelé pour faire la déclaration express. La déclaration express qui devient mondialement connue. J'ai eu un appel de Z100, la radio à New York, qui voulait faire pareil. Je leur ai dit à vous faire foutre. Je dis, hors si, de question. Vend le concept très très cher. Ah oui, si c'est pour vendre, bien sûr. Hein, exactement. Oui, non, mais bien sûr. Non, sinon, j'ai dit non, on garde ça, on garde exclu. Non, y a pas de raison. Tu rigoles quoi. Non, mais attends. Bon, alors, on va faire maintenant la déclaration express. Cédric, tu veux qu'on appelle Alizée. Voilà. Alors, c'est qui Alizée? C'est ta copine? C'est une copine? Oui. C'est ma meilleure amie, en fait ma cougar, comme ça que je l'appelle. Ah, ta cougar? Parce qu'une cougar, c'est une vieille ma en général. Cougar, voilà. Quel âge est-là? Elle a 30 ans. Ah oui. Elle a 30 ans. Et donc, elle aime bien les. Dis donc, Cédric. Pour tous ceux qui ont 30 ans, ils t'emmerdent hein, quand même. Hein. Alors, c'est non, pas que je les ai. Il a 24 ans, donc forcément, pour lui, c'est une cougar. Ouais, bon, enfin bon. Bah oui. Quand même. Pour moi, c'est une cougar, voilà. Regarde-toi, à 31 ans, un peu de respect envers les vieux. Non, mais c'est vrai. Moi, ça ne me dérange pas, je peux être son cougar s'il veut. Ouais, mais je veux tout fait. Si vous êtes une fille ou cherchez un homme cougar, je suis disponible. C'est ça, ouais. Bon, et donc, tu voudrais vraiment sortir avec elle, voilà quoi. Bah, voilà. Bon, bah, très bien. J'aimerais bien faire une petite déclaration. Bah, il n'y a pas de problème, tu as frappé à la bonne porte. Mais oui, tu as frappé la bonne porte. Mais écoute, il n'y a pas de problème, en plus, on est sponsorisé. Hein. Oh, nom de Dieu, oui, j'aime bien. Ah, nom de Dieu. Ah, bah oui, je disais, on est sponsorisé par l'amour et dans le pré, donc tout va bien. Ah, ouais. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Bonne chance. Quand elle décroche, je lui dis j'ai un truc à te dire et nous, on enchaîne avec la musique. D'accord. Allez, c'est parti. Allô? Allô, Alizée? Oui. Bonjour Cédric, voilà, j'ai quelque chose à te dire, si tu sais bien écouter, d'accord? Ça va? Quelle fiction de merde. Là, franchement, on fait fort, je trouve. Bravo, le. On se connaît depuis 2 mois et demi, et depuis le début, j'ai tort. Je suis parano et j'ai quelques soucis. J'ai peur que tu ne veuilles que mon corps. À chaque fois que tu as un nouveau rencard, j'ai quand même peur que tu tombes sur un gros. J'aime bien son. Oh, mais nom de Dieu. Oh, oui, nom de Dieu. Bon, alors, Alizée, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu es en direct sur Fun Radio, bien sûr, tu l'auras deviné. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, Alizée, cette belle petite déclaration express? C'est beau, ça, quand même, l'amour. J'adore, c'est vraiment beau. Oh, c'est mignon. Oh, mon Dieu, oui, j'aime bien son. Oh, oui. Ah, nom de Dieu. Oh, bah, ouais. Oh, bah, dis donc, alors, bah, voilà, c'est une affaire qui roule, Cédric. Bah, c'est chouette. Enfin, elle a dit qu'elle aime bien la déclaration. Ça se trouve, elle est tombée amoureuse de Lob. Hein, donc, ouais. Ah, en tout cas, surtout de Lob, apparemment. Bah, au pire, il prend hein, Lob. Hein, Ah, ouais, lui, les cougars, il a pas de problème avec ça. Ah, il a déjà eu l'occasion de tester. Même. Ah, oui. Ah, bah, c'est dans les vieux pots que. Mais on a compris. Ah, tiens, il quitte le studio, bizarrement. Ah bah oui, tout il d'un coup, il est parti. Tout d'un coup, il est parti. C'est bizarre. Mais oui, c'est bizarre. Bon, Alizée. Ça va fou rire, en fait. Alizée, tu vas rappeler Cédric en antenne, j'imagine, pour vous voir la prochaine fois. Et puis que vous puissiez faire l'amour ce soir. Non, c'est mon meilleur ami, voilà, je l'adore, voilà, c'est vraiment pour la vie, quoi. Enfin, oui, mais en même temps, lui, il a un peu plus, je pense. Oui, hein. Parce que je comment pense que. Oui, tu as peut-être pas tout compris. Moi, il m'avait dit hier que c'était que de l'amitié. Mais là, Alors, il a Cédric, tourné sa veste alors. Cédric, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester sur de l'amitié, voilà, ou tu voulais casser les pattes arrière? Oh, Dieu. Bah. Après, un chat, d'abord, un chat. Bah. Je ne sais pas, en fait, voilà, moi, j'ai des sentiments pour elle. Ouais. Maintenant, bah, je sais pas. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle à l'écart tous les deux. Non, tu aimerais bien vous arrêtiez de parler justement. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que pour apparemment pour Alizé, ça a l'air d'être tout cuit, hein. Voilà, c'est son meilleur ami, c'est génial et puis basta, hein. N'est-ce pas, Alizé ? On va en reparler, hein. Ah, et ben voilà, vous allez en reparler. Bon, bah alors je vous mets en antenne et puis vous en reparlez, d'accord ? D'accord. Bon, et tenez-nous au courant tous les deux. Gros bisous. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Hystérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Alors, c'est très bien. Il y a plein de numéros qui arrivent, Toff. Hein, tu vas être content. Ah. Dont un qui est arrivé ici, là. Appelez ma femme Caroline, elle est chez Dexia, mort de rire. Salut la compagnie, vous pouvez appeler Marie-Claire. Je ne connais pas plus Picsou que Marie-Claire, justement. Ah, bah, je vais appeler Marie-Claire. Mais oui, voilà. Sinon, il y a aussi, il y avait un message, c'était appeler Marnik de Anderlecht, c'est un vrai radin. Très bien. Bon, voilà, on a c'est parfait, faire. On a de quoi faire. Bon, là, alors là, on avait déjà prévu un numéro, donc on va appeler celui-là, mais on appellera les autres tout à l'heure, rassurez-vous. Bien sûr. On va appeler où, du coup, on avait appelé à Braine-le-Comte tout à l'heure Gilly. Gilly, allez, oui, c'est parti. Gilly. Ah, bon, bah, Gilly, maintenant, c'est parti. On y va, on appelle, je rappelle le concept. Donc comme l'État belge a racheté Dexia 4 milliards d'euros, ce qui veut dire que nous avons racheté Dexia 4 milliards d'euros, et bah forcément l'État doit trouver 4 milliards. Parce que je rappelle qu'il y a quelques jours il savait pas trouver les 10. Hein. Oui, donc là. Voilà, donc 4 de plus maintenant. C'est... Bah, moi j'ai fait le calcul et c'est assez simple, hein, ça fait 370 euros en fonds compris. Voilà, oui c'est ça. Par personne, par habitant, voilà. Peu importe s'il travaille ou pas, mais ça fait 370 euros. Donc plus il y a de monde à la maison, plus ça coûte cher. Et bah forcément. Allez, on y va, c'est parti, on appelle Agili maintenant. Voilà. J'ai vu l'eau passer, j'espérais qu'il regardait par ici pour qu'il me porte un café, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé. Non. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour le ministère des Finances à l'appareil. Oui. Oui, voilà, donc je vous appelle parce que vous êtes au courant, nous allons racheter Dexia. Oui, mais excusez-moi, mais à cette heure-ci, en fait, nous dormions, donc... Oui, très bien. Et donc je vous appelle, donc, pour, donc vous êtes combien dans votre foyer ? Oui, mais excusez-moi, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ah oui, madame, mais c'est, malheureusement, nous avons déjà décidé de racheter Dexia, donc maintenant, vous allez devoir payer. Hein. Mais nous ne sommes pas chez Dexia, donc là... Vous... Oui, non, mais ce n'est pas grave, madame, c'est l'ensemble des Belges qui va devoir payer. Hein. Il y a 4 milliards à trouver, ça représente donc 370 euros par personne en vivant en Belgique. Donc je voulais savoir combien vous étiez pour vous envoyer la note. Non, écoutez, envoyez-moi ça par courrier, parce que je comprends pas du tout ce que c'est. Mais c'est très simple, en fait, vous me dites combien vous êtes dans votre foyer. Non. Hein, et puis je vous envoie la petite facture. Non, je suis désolée, je préfère avoir tout ça par papier, remplir des choses par papier. Oui, tout à fait. Avoir une trace écrite. Tout à fait, madame. Donc je vous demande donc, combien habitez-vous dans votre maison. Pour ce que vous me dites, c'est que pour Dexia, vous allez devoir payer 370 euros par personne. Qui habite dans votre maison, tout à fait. Donc c'est pour ça que je voulais savoir combien vous étiez dans votre maison. Non, mais c'est une blague, je pense. Ah non, madame, il y a 4 milliards à trouver. Hein, nous sommes un peu plus de presque 11 millions en Belgique. Désolée. Bonne journée, au revoir. Oui, madame, vous ne m'avez pas dit combien vous étiez dans votre maison. Ah ouais, bah va pas le dire. Hein. Bon, on va la rappeler. Elle a hein. pas l'air super bah court, oui, en fait. Rappeler. Bah oui, on va la rappeler, évidemment. Je ne peux pas rester comme bah, ça. Comme moi, ça. Je dois savoir combien je dois lui envoyer. Comme... Pour l'instant, t'as récolté 0 euro, Toff. Hein. Oui, c'est pas mal. Bah, on est loin des 4 milliards. Hein. Ah ouais. Bon, allez, on rappelle. Il y a encore du boulot. Ah, y'a, bah... Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui. J'étais au téléphone avec votre femme, mais elle n'a pas bien compris ma question. Oui, donc... mais à ce temps-ci, je vais pas bien dans votre tête ou quoi, monsieur ? Ah oui, mais écoutez, monsieur, vous savez, il n'y a pas d'or pour récolter l'argent du contribuable. Ah, vous foutez de moi ou quoi ? Non, monsieur. Donc, nous allons racheter Dexia, comme vous l'avez entendu au journal. Hein. Oui. Et donc, ça va coûter 370 euros par Belge. Hein. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous appelais pour savoir combien vous étiez dans votre maison pour vous envoyer la petite facture. Ça vous intéresse pas ? Ah mais je ne vous demande pas si ça vous intéresse, monsieur. Nous avons déjà décidé de racheter. Hein, donc, racheter quoi ? Dexia, monsieur. Oui, c'est quoi cette affaire là ? C'est une banque, monsieur. Donc Dexia, c'est une banque qui va mal et donc ouais, la Belgique va... C'est pas la peine de me prendre pour un... Vous me prenez pour un con, quoi. Attention, c'est pas la peine de téléphoner. Retéléphonez plus tard, s'il vous plaît, monsieur. Parce que... Oui, donc monsieur, donc je vous demandais juste combien vous étiez dans votre famille pour pouvoir vous envoyer donc le montant multiplié par 370, hein, évidemment. Bah, ça vous intéresse pas. Mais je ne vous demande pas si ça vous intéresse, monsieur. Mais non, mais allez, c'est quoi, va te faire foutre, ne me casse pas les couilles, ça va ? Allez. Ah oui, c'est... Ah oui, Agélie, par contre, on rigole pas, là. Ouais. Va te faire foutre, ne me casse pas les couilles. Oui. Faire, hein. Voilà, et donc ça ne l'intéresse pas. Hein. Oui, ça ne l'intéresse pas, ouais. le problème, c'est qu'il n'y a pas trop le choix. Voilà, c'est que ça va l'intéresser à moi. Ah oui, oui, oui. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Voilà, 10h47. On va donc pouvoir passer maintenant à la ligne anti-relou. Et là aussi, encore beaucoup d'amour, de paix et d'amitié, évidemment. Ah oui, le numéro. Oui. On est que ça, nous, le matin. 0473 86 00 13. C'est le numéro de la ligne anti-relou que vous devez connaître par cœur, les mecs et les filles, sans problème. Puisque c'est un numéro qui peut vous sauver la vie quand vous croisez un relou sur votre chemin. Que ce soit dans un bar, dans un resto, en boîte, avec des amis, peu importe. Pour vous en débarrasser, en général, vous donnez votre numéro de téléphone. Sauf que vous n'avez qu'un sourcil, étant donné que bah forcément il va vous rappeler le lendemain, voire le soir même, et donc vous reprendre la tête. Alors que si vous donnez un faux numéro, et ben en l'occurrence le nôtre, qui n'est pas un faux, il fonctionne vraiment, mais c'est pas le vôtre quoi, et ben vous allez avoir la paix, et après ben, il va pas vous rappeler forcément puisqu'il n'y arrivera pas. Allez hop, on écoute maintenant le premier message, puisque du coup évidemment l'avantage c'est que le relou va tomber chez nous et que nous on diffuse des messages évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore toi, y a un problème? Ah non de Dieu, oui, Ah non de Dieu. C'est parce qu'il a mis la ligne anti-relou, c'est pour ça. Allez, premier message. Allô Marichou, c'est JP. Alors voilà, hier on s'était donné rendez-vous, tu n'es pas venu, tu n'as pas non plus répondu à mes appels en absence, alors moi j'aimerais bien savoir où on est notre relation. Je sais que tu n'es pas encore bien sûr si tu préfères les hommes ou les femmes, mais bon, à 16 ans, moi aussi, tu as encore le temps de décider. Moi je sais que je t'aime, alors au moins rappelle-moi, venez. Ah, donc on sait pas, il parlait à une fille ou à un mec là, on sait pas. Un mec là, je pense. Je crois qu'il parlait à... donc c'est un mec qui parlait à un mec. Ouais, je pense aussi, ouais. Puisqu'il dit je sais pas si t'aimes bien les hommes ou les femmes, mais bon moi je suis décidé. Oh mais y a pas de mal après la ligne anti-relou, ah, il peut y avoir des relous homo aussi hein. Moi je trouvais ce message pas relou quoi. Ouais, enfin il est quand même là, je t'aime bébé. Oui. J'aimerais hein. bien savoir où en est notre relation. Je veux dire, s'il a donné ce numéro là, c'est qu'elle doit pas en être bien loin quand même. C'est ça, c'est qu'elle vient, elle vient de démarrer hein. Ouais, tu vois, l'autre, elle est relou, nouveau. Elle est nouveau là. Bah, c'était mignon. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de courage en fait dans ce message. C'est vrai. Tu sens qu'il se lance, l'autre, il est pas trop sûr de ce que l'autre peut penser. Bah, oui, il se lance, et il tombe. Ouais. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Ouais, Marianne, je t'appelle, ben voilà. À plus. Non mais moi c'est cool. Je t'appelle et puis voilà. Voilà, bah ouais, je sais pas deviner, tiens, des trucs super idiots. Allez, troisième message et dernier de cette heure-ci. Ce soir, tout le monde devant la télé. Pourquoi? Parce que derrière on voit rien. Voilà. Ah, excellent. C'est nul. Ah, donc en fait, il a reçu un numéro de quelqu'un et puis ou alors il nous appelle nous. Enfin, non, bon, écoute, ouais. Je sais pas très bien, mais bon, ça aurait pu faire une petite devinette, hein, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai. Mickaël à la radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Bon, hier c'était un grand soir, on peut vous le dire. D'ailleurs, on vous en a déjà parlé. On a eu droit à un nouvel épisode, évidemment, de cette grande émission qui est L'amour est dans le pré. Bonjour, je rentre, j'étais comme chez moi. Ah bien sûr, fais comme chez toi, évidemment, n'hésite pas Julie, il y a aucun problème. Hein. Je te fais la bise délicatement. Oui, bah moi aussi Julie, si tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, hier soir, donc c'était les rencontres avec les fermiers, et donc c'était un speed dating de 5 minutes à chaque fois, hein, donc pas vraiment speed, mais enfin bon. Donc l'important, c'est de se mettre en valeur tout de suite, évidemment, vous connaissez tous le principe du speed dating. Je m'appelle Louis. Oui. Si tu as un petit ennui, un petit souci, dis-le à Louis, c'est quasi tandis gratuit. Voilà. Ouh là là là là là. Ça a été préparé aussi pendant longtemps. Ça vaut les ch'tis de je m'appelle, je sais plus comment, de ah oui, je coin, coin, coin, coin. Coin hein. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça vaut quand même. Hein. Bon, sinon, il y a aussi une autre méthode, c'est de dire ce qu'on aime chez l'autre, hein, par exemple. Ce que j'ai vu de toi m'a plu. Ton chien, j'aime beaucoup ton chien. Ah oui, ça fait marrer. Hein, Ah oui, j'aime bien le chien. Ouais, tant qu'il mieux. Chez moi, ce que ton j'ai chien. Vu de toi m'a plu. Ton chien, j'aime beaucoup ton chien. Mais non. Heureusement que le chien est là, tant mieux. Hein. Non, mais t'imagines, parce que c'est ça, la meuf elle est quand même venue pour rencontrer un mec et lui dit ouais, est-ce que j'aime chez toi ton c'est chien. Ton chien. Ben oui, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, ça doit faire plaisir de savoir que ce qui plaît effectivement c'est le chien. Mais bon, soit, passons à autre chose. Maintenant, faut qu'on passe à la star de l'émission d'hier. Le mec, il a tout compris sur comment séduire une femme et la mettre en confiance. Tu es déjà passé à la TV? Oui. Ah oui? Donc quoi? Comment, une émission ou quoi? J'ai passé une cour d'assises. Ah oui, d'accord. J'ai eu un gros problème avec mon supérieur. Oui. Et je l'ai malheureusement tué. Mais non. Et c'est pas un trucage. Hein. C'est sur ça s'est vraiment passé hier. Comment c'est possible? Le mec il est là, c'est le premier rendez-vous. Bonjour. Je suis déjà pas à la télé. Oui au tribunal. Vous m'avez j'ai filmé. Eu un petit problème. J'ai tué mon boss. Bonjour, je suis un psychopathe. Je découpe des femmes dans ma cave. Tu veux bien sortir avec moi? On va le remettre. Tu es déjà passé à la télé? Ah oui. Ah oui. Donc quoi? Comment, une émission? T'entends sa voix en plus. C'est une cour d'assises. Ah oui, d'accord. J'ai eu un gros problème avec mon supérieur. Ouais. Et je l'ai malheureusement tué. Et on entend la voix de la meuf qui dit ah, c'est genre merde, tu tombes sur un dingue. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui. Ah non, c'était du très très lourd. Oh là là là là là là. Enfin bref. Ah oui, c'était énorme. Ah ouais, bon, je te confirme. Ouais. Bon, allez, pour finir, on se fait la phrase du jour. Une femme qu'elle aime bien la vie, qu'elle croque la vie en plein dedans, quoi. Oui, en pleine dent. Hein. Oui. Voilà, c'était la phrase du jour. Bon, allez, en tout cas, ça vous fait encore de belles petites soirées de radio en perspective. Hein. J'adore. Ah ouais, bah nous aussi, on adore. Hein. Allez, bon, ça me fait plaisir. T'es déjà passé à la TV ? Oui. Ah oui ? Donc, quoi ? Comment ? Une émission ou quoi ? J'ai passé une cour d'assises. Ah oui, d'accord. J'ai eu un gros problème avec mon supérieur. Oui. Et je l'ai malheureusement tué. Oh nom de Dieu, oui, j'aime bien son. Ah nom de Dieu. En mode pervers, là, encore une fois, là. Et lui aussi, il a fait du gros lourd, hein, mais malheureusement, on n'a pas pu récupérer les sons, il a quasiment pas parlé. Ce qui est énorme, c'est quand t'entends la voix de la meuf. Oh, t'as fait de la télé, c'est génial. Ah ouais, c'est génial, t'as fait la star. Ah ouais. Oui. C'est bien. Des grands problèmes avec mon patron, je l'ai malheureusement tué. Quelle violence, mais quelle violence. On s'en remet pas. Premier rendez-vous, il est honnête. Hein, non, mais il est honnête, d'accord, mais enfin, quand même, quoi, tu dis pas ça au premier rencard. Enfin, je sais pas, après, je suis peut-être un petit peu peut-être bizarre, mais. Non, tu pas pire que lui, hein, mais. T'imagines un mec qui vient de voir premier rendez-vous. Oui, bonjour, je suis tueur en série. Ouais, c'est ça. Nickel à la radio, le replay. Fun Radio.